Les noeuds, l'ami, crois-moi, va t'omnubiler. Si tu flûtes dans la rue, ce sera eu dans les bois. Eu, tu m'as vu, eu, tu ne vois plus. Eu, dans les bosquets, eu, c'est la te fée. Eu, tu te rues dans les prés, mais où sont les eu qui ont posé? Je ne les vois plus, ils sont partis dans leur cangu. Emporté par la foule qui déambule et qui débule et qui t'entraîne dans le clip ma bulle. Et si tu freines pour une petite reine, reste cul. Reste cul. Si c'est pas le U des bois, ce sera le U des prés. Si c'est le U des bosquets, on sera toujours prêt. C'est un universel U qui fera peut-être que tu voudras sortir dans la rue pour aller chasser le Dahu. Pour la mignonne, fais donc qu'elle ronronne. U pour tous les amis, ne crois pas qu'ils t'oublient. U pour la famille, pour ne pas partir en vrille. Et U pour les passages, qui font partie du paysage. U pour les collègues, sans je serais trop deg. U pour les animaux, ils servent à rien mais sont trop beaux. U pour les petites plantes, mais là je pense qu'il faut que je mente. Et U pour la nature, n'y balance pas tes ordures. Face au faufil se glisse un U caméléon venant par face, que tu sois triste ou bien avenue. Pourquoi le U me direz-vous? Idéogramme banal et rond qui dans ta bouche devient bijou. Un U formé, rappelez-vous, sera toujours le bienvenu. Sera toujours le bienvenu. Si c'est pas le U des bois, ce sera le U des prêts. Si c'est le U des bosquets, on sera toujours prêt. C'est un universel U qui fera peut-être que tu voudras sortir dans la rue pour aller chasser le Dahu. C'est comme des mini-mini, nous qui mutileraient tous les petits mots, les transformer, provoque leur vue, n'essaie pas de nous museler. On ne fait que s'amuser, laisse parler cette mini-muse, arrête de la minimiser. L'hymno ulami, c'est comme des mini-mini, nous qui mutileraient tous les petits mots, les transformer, provoque leur vue, n'essaie pas de nous museler. On ne fait que s'amuser, laisse parler cette mini-muse, arrête de la minimiser. Ça fait longtemps l'ami que je ne l'entends plus. Où c'est-tu que t'es parti? En tout cas t'es pas aux rues. U, j'y ai passé, j'y ai mangé, je me suis sali. Mais U, je t'ai bien cherché partout, mais je ne l'ai pas vu. Ça ne sent pas la béba, ça me fait toujours marrer quand je demande si ça va flûter. Je suis pas sûr qu'on me comprend, mais ils essaient, font semblant. Si c'est pas le U des bois, ce sera le U des prés. Si c'est le U des bosquets, on sera toujours prêt. Le flot à poil et matin, ça nous on peut pas y croire. On est tous bien entendus, tous possédés par le U. Mm-hmm.